cet été, pas besoin d'aller très loin pour vivre la grande aventure. Ici, on mélange l'urbain et les espaces verts, on fait des road trips et on se gâte. Ici, on s'amuse en famille et entre amis. Ici, on fait ce simple. Parce qu'ici, c'est plus beau que jamais. Cet été, vivez des micro-aventures ici dans le Haut-Richelieu. Tourisme-haut-richelieu.com. Ouais, attends. Chut. Silence. Il y a un navire. Non, oui, mais... ouais. Choc.ca, RIDM et les soirées d'écoute publique présentent le concours de documentaires sonores « Le réel à l'écoute ». Vous avez jusqu'au 31 août pour participer et tenter de gagner une diffusion au RIDM 2020 et plus de 1 000 $ de prix. Pour connaître les règlements, rendez-vous sur choc.ca/réel. Maudit, c'est vrai! C'est pourquoi ça? Passionné de l'info? Choc.ca souhaite agrandir son équipe de journalistes numériques. Sujets éclatés, reportages ponctuels écrits et audio et ouverts à tous les niveaux. Tu veux en savoir plus? Écris-nous ou suis-nous sur la page Facebook de Choc.ca. Vivez l'expérience immersive du SATFest à la Société des arts technologiques. Une compilation des meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par 15 artistes internationaux d'avant-garde qui vous feront voyager au cœur d'univers défiant vos sens et perceptions. De retour sous le dôme de la Satosphère, spécialement adapté pour assurer la sécurité de tous et présenté jusqu'au 31 juillet. Découvrez le programme sur sat.qc.ca. Vous écoutez une émission de choc.ca. Allô, allô, allô! Bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast coquin et la seule et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Parlant de poubelle homosexuelle, mon nom est Jess PVM, grande bipolaire, non-binaire, oh. Non-binaire, et toujours concierge, et mon make-up tient plus longtemps que toutes mes relations affectives. Là, non-binaire, tu nous annonces ça non-binaire de rien. Là. Je vous annonce ça non-binaire de rien, comme ça, au détour d'une phrase. Ben ouais. Nos vies sont un coming out qui ne cesse jamais. Ça ne tente pas d'aller plus loin que de le dire. Épisode 2, déjà d'autres tonnes. Hein? À quoi s'attendre pour le reste de cette saison? Parlant d'ordures roses, moi c'est Charlie Morin. Bonjour l'ordure. Et puis moi, je change de partenaire tout le temps, mais quand je fais des conneries, je m'en sauve en prenant la PPE, la prophylaxis post-exposition. Mais il y a des matins, là, je me réveille en pleurant quand je constate que sur mon cell, il y a plein de numéros random qui m'ont écrit « Hey, hey, hey » à l'infini. Sacrement. Puis je me dis « Est-ce qu'un jour, je vais signifier quelque chose pour quelqu'un? » Tabarnak, hein? Aïe, aïe. Fait que là, tu viens de citer mes aïeux, non binaire de rien. Yes, bitch. Yes, bon, ben, je vous annonce, les mounes, que c'est maintenant un fif le matin. Oh, come on. Hey, là, mes aïeux, là. Hey. Hein? Et puis toi, mon petit gars. C'était bon. Hein? C'est plus ce que tu vas faire. Sacrement. Cette semaine, Charlie, qu'est-ce qu'on fait? Cette semaine, on va mal, comme toujours, déjà. On va-tu mal? Ah oh, oui, on va mal. On va mal, on va mal. On va mal. Ça va mal. Puis cette semaine, alors que ça n'a jamais été aussi stressant de rencontrer du monde, on tourne de fer dans plaie. Pour vous parler d'amour, des différentes façons qu'on a de s'aimer. Parce que apparemment, en tout cas, heard about it, mais jamais expérimenté, il y a plus que la traque, l'orgie, le sauna, le 69 puis le missionnaire. Sans faire, ce matin, on discute monogamie, couple ouvert, polyamour and whatnot, parce que l'essentiel, c'est d'être aimé. Ah ouais, Ginette. Et il y a plein de façons de le faire, même si ma Vénus est en cancer et qu'on est en Vénus rétrograde en ce moment, il n'y a pas pire moment pour parler de relations amoureuses. Hey bitch, moi aussi, Vénus en cancer. Bon, rétrograde. Les deux là-dedans. Tabarnak. Mais on va quand même se forcer, ayant nous-mêmes des vies amoureuses actives et trépidantes, cette semaine pour vous partager nos pensées sur les différentes configurations amoureuses. Puis on les essaie toutes en live, Jess et moi. Ouais, ouais, ouais. Deux Vénus en cancer, on va se, hein? Ah ouais. On va se trigger. L'amour pour toujours. Fait que dans le fond, on se demande, hein, c'est quoi les pour, les contre des différentes façons qu'on a de se créer des relations, en quoi ou comment ça critique les normes hétéropatriarcales et bien sûr, comment nous autres, personnellement, on deal avec les mille et une façons qu'on a de se mettre entre moon. Donc, on va se prendre un café avec notre troupe d'amis en espérant secrètement se faire inviter pour un foursome et on vous revient. On veut caféiné. Alors, on est de retour. Ça a pris une demi-heure et une vaste vaste discussion à cœur ouvert, pleine de larmes, pour savoir qui de notre groupe d'amis allait payer. Fait qu'on est parti sans foursome ni café. Fait qu'on commence en grande pompe avec la configuration relationnelle qui est un grand classique intemporel et une de mes tunes préférées de Malajub. La monogamie? Tadam! Ben, la monogamie. La monogamie, alors bon, première des choses, la monogamie, c'est pas l'art de plier du papier pour faire des petits oiseaux. Ah, yes, bitch. Ça, c'est l'origami. Teach the children. Ben là, maintenant, c'était pas clair. Bon, la monogamie, c'est ça peut être considéré comme le modèle universel qu'on nous présente. Là. Ben c'est, en tout cas, c'est très clairement le modèle privilégié par notre société. Oui, c'est ça. Quasiment au point où on est soit en couple, soit en recherche d'être en couple. Pis pour beaucoup de gens. C'est souvent reconnu comme le seul modèle valide, which is trash. Ouais, c'est un peu weird. Hein? Ben, faut juste se rappeler que c'est pas la seule affaire. Parce que l'affaire, ouais. C'est que, tu sais, en tout cas, là, on a toutes... On connaît tout du monde là, qui se sentent bien attaqués dans leur monogamie puis qui se trouvent bien plates d'être monogames, ouais. Qui se trouvent pas assez cool d'être de pas embarquer in the radical train. Ben, les monomounes, là, sachez-le, vous êtes valides. Vous êtes valides. C'est correct, la monogamie. Mais non, juste pas l'appliquer à tout le monde. Oui, c'est ça. C'est, tant que tu n'universalises pas ça puis que tu vas pas comme questionner sans cesse les autres modes de, ouais, se mettre en relation parce que, genre, si ça te menace trop, c'est pas valide. C'est comme, come on, la gang, là. On n'est plus en socio-alicam. Non, c'est ça. Non, mais Chris, là, c'est plus la revanche des neutres de qui va être le plus radical. Là. Tu peux pas être monogame, mais encore lisse. Oui, tout ça, c'est une affaire dont on va reparler pas mal plus loin. Là, mais tout ça, c'est une affaire d'écoute, de besoin, de connaître tes limites. Mais oui. Et tes limites sont valides. You can be trash and monogame. Oui! You can oh my trash God! Trash and so many other things. C'est par où je commence, my God. C'est ça. Quand même, par exemple, au-delà de c'est-tu radical ou pas la monogamie, il y a quand même une pression à être monogame. Oui, c'est ça. Oui. Merci le capitaliste. Ben, merci le capitaliste qui a vraiment basé son système sur la famille nucléaire, les unions civiles et maritales. Mais aussi le fait que la pression à être en couple, ça vend. Parce que tu ne te sens jamais assez. T'as l'impression que c'est un manque, t'as l'impression que genre c'est parce que t'es pas assez belle, t'es pas assez fine, t'es pas assez en paix. Oui, souvent, pas être en couple, c'est un trigger de plein d'insécurité. Oui, c'est ça. Ça joue avec les insécurités du monde. Fait que là, on peut nous vendre plein d'affaires de bien-être, de beauté, d'affaires, de. Fait que tu sais, comme c'est productif pour le système. Oh, oui. Alors que c'est pas vrai qu'on a tout le temps besoin d'être en couple aussi. Là, ça dépend, ça dépend vraiment des besoins individuels. Là. Non, mais quand même, le couple est partout. Tu regardes n'importe quelle télésérie, il y a des histoires de couple qui vont se passer. Là. J'ai jamais vu une télésérie about 10 célibataires qui se toucheront jamais. Là. Non. Oh. En tout cas. Make it happen. En tout cas. Make it happen. Puis, en tout cas, qui s'est pas ramassé dans un party de famille avec un pied? T'as-tu un petit chum? T'as-tu une petite blonde? Moi, j'ai dressé mes parents à ce sujet. Mm-hmm. Ah oui, mais non, mais attends, moi, mes mères folles comme de la merde, là, cette personne-là peut pas avoir un nom. Je peux pas donner de nom. Ah! Sans même montrer de photos, sans même présenter la personne, sans même... Si je fais juste donner un nom, il va juste revenir ça tout y le est. Temps, non-stop. C'est un membre permanent de la famille, il des questions, une enquête. Ah, puis je vais m'en faire parler, genre même 3 ans plus tard, puis il est rendu où, telle personne, puis je suis comme... Trois ans plus tard, mon Dieu, tes mères, t'en connaissent pas? Non, c'est plus... mais oui, non, effectivement, c'est-à-dire qu'elles me connaissent bien, je sais pas pourquoi ça va revenir... Je sais pas, elle s'attache. Ah oui. Elle s'attache. Ils veulent avoir des petits-enfants. C'est ça. En tout cas. Moi, une affaire que peut-être pas qui me dérange, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut aborder, c'est que dans la communauté LGBTQIA2+, la monogamie a pris énormément de place, je pense, avec toute la lutte autour du mariage pour tous et toutes. Uh-huh. Qui est généralement appelé mariage pour tous parce que le monde est ben machiste, mais comme ça, on s'entend, là, entre la crise du VIH et la lune de miel que nous a offert la PrEP et Drag Race, le gros discours LGBT, c'était le mariage pour tous et toutes. Ouais. C'était beaucoup accentué là-dessus. Souvent pour des raisons financières, parce que se marier, ça fait en sorte que nos impôts sont plus faciles à faire. Donc déjà en partant, ça n'a rien à voir avec être queer ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus une volonté capitaliste de fonctionner dans le système. Et qui a vraiment plus d'intérêt généralement pour les gens qui ont des gros patrimoines. Ouais. En fait. Ouais. Si t'es pauvre, te marier, ça ne changera pas grand-chose. Mais je comprends que symboliquement, le truc d'égalité de droits, oui! c'est pas insignifiant. Je vois pas de raison pourquoi on aurait des droits que les autres, qu'on n'aurait pas des droits que les autres ont. Genre, c'est mais normal. En même temps, c'est vrai que la porte est grande ouverte pour qu'on se présente comme des gens respectables, qui veulent juste que leur amour soit reconnu au grand jour, puis là... pouvoir comme. Puis c'est vrai qu'il y a des complications légales de comme. Tu sais, je sais pas, là, pendant vraiment longtemps, pendant la crise du sida, les partners étaient pas reconnus. Puis genre, ouais, fait là, pas... c'est ça. Si ton partner il est à l'hôpital, puis que tu peux aller le voir, ben... ou genre, tu sais, des astuces niaiseries de même. Ouais. Tu sais. Fait que je comprends que c'est pas complètement inutile. Non. Puis c'est important, si quelqu'un a des droits, tout le monde devrait les avoir. C'est ça. L'autre affaire avec ça, c'est que ça a beaucoup centré le discours sur justement love is love. Mm-hmm. C'est pas normal que je puisse pas tenir la main de mon partenaire dans la rue. Effectivement, c'est pas normal. Non. Il y a pas personne qui devrait se faire achaler parce que vous êtes en train d'être queer dans l'espace public. Je dirais jamais le contraire. La chose là-dedans, c'est que love is love, OK, mais sex is sex, puis gender is gender. Là, ça, c'est des gros aspects de nos communautés. Être homosexuel, c'est pas juste une histoire de relation. Là, j'ai pas découvert que j'étais gay avec mon premier chum. Non, j'ai découvert que j'étais gay parce que je me crossais en écoutant Céline Dion et que je voulais marier René. Là. Bitch, what? Bitch, what? Moving on. Justement, moi, je sais pas, mon premier chum, je l'ai eu à 24 ans. Là. Okay, bon. Non, mais c'est ça, mais il y a un truc aussi où genre... c'est vrai qu'aux yeux des hétéros, on est vraiment plus valide si on va sur le terrain de l'amour. Oui. T'sais, dans le fond, on est tous pareils, c'est juste que nous, on aime quelqu'un. Mais là, ça crée un régime de la bonne tapette. Oui, c'est ça. Puis il y a aussi un truc culturel qui n'est pas compris, tu sais, du côté des straights, où genre on l'aura jamais aussi dit qu'on avait une culture puis des pratiques différentes. Puis on est vraiment plus dans un truc de concilier puis de faire comme non, on veut des droits égaux parce qu'on a, dans le fond, we're the same. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu sais. Fait que là, ça crée justement, c'est ça que je viens de le dire, l'espèce de symbole de la bonne tapette, ça va créer le cette espèce de mouvement de « Oh, mais non, moi, j'ai pas des plumes dans le cul. » Se tenir dans le village puis dans le club, c'est sectaire. Ah. On a nos droits maintenant. On n'a plus besoin de tout ça. On veut les belles maisons en banlieue, nous autres. Ah, Seigneur, donnez-moi 15 secondes. Je vais aller pisser sur Éric Duhem, je reviens. Yay! Et à travers cette politique de respectabilité-là, il y a comme un selon moi, là, il y a comme un autre aspect qui s'est comme développé à côté de ça. C'est que les pays occidentaux dans lesquels le mariage pour tous et toutes est accepté et légal, ça devient un très bon argument de pinkwashing. Ah oui, non, mais tout le temps. Ça, là, les gouvernements, là, ils vont beurrer ça dans la face de tout le monde pour essayer de nous expliquer que les autres pays, c'est des gens barbares et incivilisés puis que ça n'a aucun rapport avec le fait que l'Occident les déstabilise depuis 100 ans. Ouais, ouais, non, mais c'est, en tout cas, dynamique fucked up. Surtout, on est juste comme, ah bon, ben on a atteint l'égalité, l'égalité est atteinte. Oh, il n'y a plus rien à faire. Tu sais, Justin Trudeau, il va aller sur une tribune en disant, on a le mariage gay, on est ben bon, il n'y a pas personne, il y a pas un politicien qui va aller sur la tribune dire, nous autres, on a des saunas puis le monde, ça fourre à la journée longue. C'est-tu qu'on est hot comme pays, là? Et pourtant, mais on n'a plus le droit de speak moistly non plus, là, fait que... Sinon, je trouve que être une famille homoparentale, ça vient avec beaucoup de pression. Ah. Tu sais, je trouve ça cute, le mariage pour tous et toutes, là, mais est-ce qu'on pourrait avoir le droit de divorcer? Est-ce qu'on pourrait avoir le droit de l'échec de cette relation-là? Mais c'est pour ça aussi que, statistiquement, tu sais, comme les... parce que là, ils ont fait bien des études sur le bonheur des enfants qui avaient grandi dans les familles homoparentales, qui étaient fort inquiets. Oui. Alors que, tu sais, tu fais pas d'études sur, genre, le bonheur des enfants qui sont nés. Hein? Pas vraiment. Ben, tu sais, parce que l'hétérosexualité, c'est pas quelque chose qui est étudié. Non. C'est juste quelque chose qui est là. C'est ça. C'est juste quelque chose qui est là, qui est par défaut, qui est normal. C'est dans nos jambes. Puis, dans le fond, ils ont fait beaucoup d'études sur le bonheur des enfants qui ont grandi en famille homoparentale. Puis, dans le fond, ce qui est ressorti, c'est que généralement, ils étaient vraiment plus stables puis heureux juste parce que les familles homoparentales sont over-prepared. Ah, ben oui. Et parce qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Oui, oui, puis je veux dire... Fait que tu sais, ils planifient, il y a un truc de stabilité financière, il y a un truc de comme, c'est des gens très informés, c'est des gens qui comme vont over-planifier parce qu'ils peuvent rien se faire reprocher parce que c'est un couple de femmes ou un couple d'hommes. Fait que déjà, ils se sentent déjà mal de mettre des enfants au monde, puis ils sentent déjà qu'ils ont à s'excuser. Oui, puis c'est ça, puis que le droit de faire ça, c'est un espèce de cadeau qui a été offert sur le plateau d'argent du progrès de la modernité libérale. Oui, c'est ça, tu sais. Tu sais, il y a ça, puis tu sais, comme... C'est pas toujours vrai, parce que je vous rappelle les moons qu'un homme peut tomber enceint, ça existe. Biu-biu. Mais dans beaucoup de cas, tu vas pas tomber enceint par accident. Non, c'est ça. C'est beaucoup plus rare. Ben, c'est plus tough de faire des bébés DIY. T'sais. Oui. Oh, DIY. Ben, listen. Ça doit être avec des peaux maçons pis de la corde. Là. Toutes les DIY, c'est comme ça. Toujours là-dessus, je pense qu'il y a comme un jugement défavorable dès qu'il se passe de quoi dans une famille queer. Puis je trouve ça un peu hypocrite parce que tu sais, il n'y a pas personne qui regarde Aurore l'enfant martyr en disant c'est l'échec de l'hétérosexualité et de la monogamie. Et pourtant. Et pourtant, des exemples de l'échec de l'hétérosexualité, il y en a. Il y en a. Mais non, c'est ça. Il y en a. Alors, tout ça pour dire que la monogamie, si c'est ça que tu veux, il n'y a pas de problème. Pas besoin de venir broyer parce que tu n'es pas assez radical. On t'aime, babe. C'est juste que la monogamie, c'est quand même un concept avec une symbolique très forte qu'il faut quand même réfléchir et. Déconstruire. Puis c'est plus intéressant de passer 15 minutes de segment là-dessus que passer 15 minutes à te dire que t'es valide. Fait que là, on te l'a dit. Là. Swallow it, c'est correct. Ouais. Bear with us. Sur ce beau message d'espoir, on s'en va se faire couler un café avec toutes les larmes qu'on a versées sur la mort de la romance. Mm-hmm. Et on vous revient, toujours célibataire et overcaféiné. À tantôt les moons. On a fait notre deuil de la romance entre deux cafés aussi glacés qu'un couple straight après 2 ans de couple. Et on est de retour overcaféiné et dégoûté par l'amour. Alors, là, on a parlé amplement de la monogamie, de la pression sociale qui l'entoure. Ça va, on a compris. Maintenant, je pense que c'est vraiment important de parler des alternatives à la monogamie. Parce que oui, qui l'eût cru, il y a d'autres options que de devenir ermite, bonne sœur, vieille fille ou encore attendre l'âme sœur sur le sling du G.I. Joe. I felt it. Ah oui, hein? I felt it. I oui. Identify with this. Oui. Charlie sur son Grindr s'écrit « I can host » sur le sling du G.I. Joe. Hey, listen. Hey. If you can host, you can host. On travaille avec les moyens du bord. Bon. Vous en avez probablement entendu parler. Vous faites peut-être, vous en faites peut-être l'expérience vous-même. Mais une des alternatives à la monogamie, c'est le polyamour. Oui. Oui. En tout cas, c'est celle qui fait le plus jaser. Ouh. Ça, c'est clair. Je ne sais pas si c'est la mieux connue, mais c'est celle qui suscite à tout le moins le plus de réactions. Polyamour, c'est quoi? Hein? C'est cette idée selon laquelle, eh oui, on peut être en amour avec plus qu'une personne en même temps et entretenir différentes relations simultanément. Eh oui! Eh oui! Il y a beaucoup de façons d'être en polyamour, autant qu'il y a de personnes polyamoureuses. Mm-hmm. On s'est dit que ça pourrait être intéressant de commencer par ce que c'est pas le polyamour, parce que quand même, ça... Comme tu disais, ça fait jaser. Là. Le monde aime ça extrapoler. Le monde là. A des astuces de réaction. Je pense que la première confusion là, ou un espèce de mélange qu'il y a avec le polyamour, c'est confondre avec polygamie. Et ça fait très genre expliquer le polyamour à tes parents. Ouais. Puis là, eux autres, ils ont une vision vraiment comme orientaliste. Là, oui. Comme oui, parce que c'est polyamour. Parce que la polygamie, souvent, ça réfère justement à un homme qui a plusieurs femmes, mais toutes ces femmes sont en relation monogame avec cet homme. C'est ça. Attention, là, il y a d'autres façons d'être polygame, mais la charge symbolique en arrière de ce mot-là, c'est souvent ça. Ouais. Puis la polygamie, c'est plus une des formes que peut prendre le polyamour. Ouais. Tu peux être en polyamour et être polygame, puis peut-être que les autres relations ne seront pas en relation entre elles-mêmes ou whatever. Fait que c'est important, je pense, de faire la différence entre les deux. C'est pas la même chose. Polyamour, c'est vraiment amoureux de plusieurs personnes et plusieurs relations en même temps. Toutes ces relations-là ne sont pas nécessairement connectées entre elles. Mais j'aime quand même ça, les gens qui font le lapsus oui! polygame au lieu de polyamoureux. C'est quand même un peu drôle. Wow, ça fait rire. Le deuxième comme stéréotype, c'est... ça me fait toujours rire, genre... être polyamoureux ou polyamoureuse, c'est une excuse pour avoir plein de partenaires. Mais t'sais, une excuse... J'ai pas besoin d'excuse. What do you mean? Pourquoi on a besoin d'une excuse pour avoir plus... C'est quoi ce slut-shaming-là? Ouais, non, mais c'est ça. C'est remarqué dans un truc de comme, oh my God, un, c'est pas assez pour toi, puis t'es juste comme, ben... Non, effectivement. Mais non, mais c'est ça, tu sais, c'est great si toi, t'es capable de tout retirer d'une seule relation, mais tu sais, il y a des gens qui veulent comme avoir un certain équilibre de plusieurs relations ouais. qui, genre... Qui les nourrissent et qui les font croire. Oui, ouais. Puis dans la même veine, un autre gros mythe, c'est les personnes polyamoureuses vivent de sperme et de cyprine dans leur château de sextoys et passent leur vie dans une orgie permanente. Listen, sounds fun. Premièrement, sounds fun. Oui. Je vois aucun problème dans ce mode de vie-là. Deuxième des choses, premièrement, tout le monde n'a pas une relation sexuelle avec tout le monde dans le polyamour. Mais ça veut dire que tu peux être polyamoureux puis aussi sexuel ou aussi peu sexuel. Oui. Tu peux être comme. Oui. Tu peux être polyamoureux puis asexuel. Oui, oui, oui. C'est pas. Genre, c'est différent, mais c'est pas mutuellement exclusif. C'est ça. Puis genre, tu peux être une slot puis polyamoureux, polyamoureuse. C'est pas mutuellement. Ça t'invalide pas. Ça t'invalide pas, là. Genre. Il y a autant de polyamour qu'il y a de personnes polyamoureuses. Ah, ça, c'est tellement beau ce que ben, tu dis. Ben, écoute, la poésie à mes oreilles. Réaction épidermique. Classique devant le polyamour. Ah, oh, mais là, moi, je suis ben trop jaloux ou jalouse. Voyons donc, je serais jamais capable. Tu sais, la jalousie, là. C'est pas réglé avec la monogamie. En tout cas, si t'es trop jaloux pour être dans une relation polyamoureuse, t'es peut-être même trop jaloux pour être dans une relation monogame. Ouais, ouais. Les mônes jalouses, là, faut savoir que la monogamie, c'est pas une solution, c'est plus une façon de pas le trigger. Mais c'est surtout que, en tout cas, je trouve que l'espèce de vision un peu old school du couple là, ou des relations où genre la jalousie c'est quelque chose c'est considéré comme quelque chose de sain ou genre ouais. Si t'es pas jaloux c'est que t'aimes pas assez ouais. Là, c'est fucked up là. Ça c'est weird mais ça c'est les straight là ouais, moi j'avoue que je témoigne moins de ça genre dans nos communautés là je pense que c'est quand même un je pense que non on n'est pas à l'abri non. On n'est pas à l'abri mais tu sais mais on a une meilleure éducation souvent sur les tenants et aboutissants de ce que ça peut être une relation de couple saine. Ouais, puis en tout cas, mais c'est juste que, genre, la jalousie, c'est beaucoup par rapport à nos anxiétés, notre passe du oui. Projet, tu sais. Oui, oui, oui. Être polyamoureux, c'est avoir peur de s'engager. Oh my God. Là, Qui a peur de s'engager, lève la main. Qui a peur du rejet, lève la main. Là. Je pense qu'on est une crise de gang. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a aussi le fait que, comme, attends, là, nous autres et moi, on est des experts dans le fréquenter quelqu'un pendant super longtemps sans nommer la relation, mais ouais. En agissant comme si. Mais sans la personne que je date. Pour se garder en, in the back of her mind que, genre, s'il se passe quoi que ce soit, au pire, la personne est disposable, puis on peut se sauver, puis se protéger, puis blablabla. Tu sais, comme, on fait ça, là, non-fucking stop. Ouais. Puis. Si t'es dans un truc polyamoureux, t'as pas le choix de très rapidement genre parler de tes autres relations, ce qui est, les limites qui sont possibles, qui sont pas possibles, puis de dealer tes relations au fur et à mesure. Non, au final... Fait, au final, être polyamoureux, c'est s'engager ben fucking plus, là. Oui, oui, oui. Puis tu sais, ça m'amène quand même à... C'est pas tout le monde, hein, qui peut être en polyamour, puis c'est correct. Il y a no shame, absolument. C'est juste vous pouvez appliquer en ligne si jamais vous voulez joindre la secte. Ouais, appliquer en ligne pour ça, si vous voulez. Il y a des formations qui se donnent. C'est le Black Bloc qui organise. Oui, c'est le Black Bloc qui organise en collaboration avec Manon Massé. Puis, puis tu sais, comme c'est vrai que ça demande une certaine maturité émotionnelle, du temps. Je pense qu'être en polyamour, oui. Ça demande du temps. Là, avoir plusieurs relations en même temps, avoir le temps de les négocier puis de les oui, faut que tu sois disponible. Ça demande aussi certains privilèges. Il faut que tu sois très à l'aise dans ton corps pour être capable, je veux dire, pour certaines personnes, genre... faire un move avec une personne, c'est le défi de l'année là, genre. Fait que, avant de d'ouvrir des portes avec quatre personnes différentes pour leur dire que t'es en amour, puis tu veux être, ça demande d'être rendu quelque part dans sa vie là. Oh maman. Il y a un certain travail préalable à faire. Okay, fait que là, dans une configuration polyamoureuse là. Ouais. Ben là, est-ce que tout le monde est en relation, genre, c'est-tu juste comme. On l'a dit non. Pas c'est, nécessairement. C'est pas comme dans les années 60, amour libre, mon foie avec des affaires de maison pas propre. Avec Flower le, power. Qui passe jamais le balai, qui font rien que manger du végé pâté. Puis qui, Non. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que... Et puis ça, moi, je trouve ça d'une beauté exceptionnelle et d'une honnêteté, d'une transparence. Moi, je trouve ça admirable. Il peut y avoir des relations primaires et des relations secondaires. Tu peux avoir ton petit chum ou ta petite blonde à la maison. Tu peux avoir ta partenaire et... avoir un amant ou une amante, une maîtresse. Anyway. Quelqu'un... Je pense que le terme partenaire secondaire est quand même préféré à voilà. Genre amant ou maîtresse. Moi, je m'identifierais à amant sans problème. Ouais, ouais. Ouais. Fait que, non, fait que c'est ça. Fait que, c'est important de savoir, mais c'est du vocabulaire aujourd'hui. Là, toutes les personnes qui sont incluses dans une relation polyamoureuse, ça s'appelle un polycule. Ça, là. Hein? Ça, là. C'est-tu cute? Moi, quand j'ai appris ça... Un petit polycule. Un petit polycule. Un polycule. Polycule. Ah. J'ai-tu parlé de ma... ma comparaison entre monogamie, non-monogamie. Genre que, dans le fond, la monogamie, c'est comme les iPhones, en fait. C'est pour les gens qui veulent les paramètres tout setés d'avance oui. Puis un bel interface. Oui. Tandis que qui fonctionne tout pareil. Le polyamour puis le couple ouvert, c'est genre Android. Genre, tu peux décider des paramètres toi-même puis juste adapter ton sel à ce que tu veux. Ah, c'est une belle comparaison. T'étais geek, soudainement. On te connaissait pas comme ça. Listen. Quand même, hein. Gamerzone, quand ça réouvre, check-moi sur le DDR-ST. Oui. Puis tu sais, comme... En tout cas, moi, j'invite vraiment les gens à voir le polyamour comme un moyen d'avoir des relations et non pas comme une fin. Hein? Contrairement à la monogamie où souvent, t'es dans ton couple... Puis tu vas faire passer tes inquiétudes, tes besoins, tes limites à travers le prisme de la réussite du couple, de l'infidélité, de ces choses-là. Tandis que, justement, c'est ça, en polyamour, ben, si à un moment donné, la relation, il faut qu'elle cesse, les chances sont que ça ne va pas durer très, très longtemps. Là. Les gens sont généralement plus aware de leurs besoins, de leurs limites, puis de. Justement, c'est un moyen de vivre ces relations et non pas une fin comme la monogamie peut l'être, ou vraiment, là, tu sais, je pense que le meilleur exemple pour ça, c'est les thérapies de couple. Je pense pas qu'il y a beaucoup de thérapeutes sur Terre qui sont comme « Non, vous autres, ça marche plus, finissez-moi ça là. » Imagine, though. Genre, tu fais juste rentrer et ils sont comme « Non, je pense pas. » Ça serait hot. Moi, si j'étais thérapeute, en tout cas, je serais vraiment evil puis je ferais tout pour scraper l'hétérosexualité. Moi, généralement, quand les gens viennent me voir pour genre des conseils de dating, en général, je suis comme « Girl, si t'es venu me voir moi, you already want to break up. » Ah, merci. je me demandais où ça s'en allait. J'étais comme prête à te bitcher. J'étais comme « Qui vient me voir pour des... » Voyons donc, c'est comme si le monde venait me voir pour des conseils sur le calme et comment s'exprimer sobrement. Non, ça marchera pas. Fait que ça, c'est comme les mythes ou mauvaises interprétations qu'on voulait aborder. Comme quoi, genre le polyamour, c'est pas tant un type de relation qu'une manière de gérer ses relations. Ouais. Puis je pense qu'il y a un truc aussi où, tu sais, je pense que dans les manières radicales de réfléchir ses relations, c'est que tu sois polyamoureux ou pas, il y a des matières à réflexion. Oui, en fait. Oui. Je pense que on en parlait justement, là, le polyamour, c'est beaucoup une façon de discuter de ses limites, connaître sa capacité de gérer ses émotions en groupe, en étant transparent, tout le monde sait qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passe pas. Puis je pense que ça permet de je vais employer un terme super militant, là, mais de diviser le travail émotionnel. Là, qui doit parler de ses émotions, quand on doit parler de nos émotions. Puis souvent, puis je dis diviser équitablement, c'est parce que souvent, le travail émotionnel va revenir dans la société en général aux femmes ou dans nos milieux aux personnes qui sont lues comme étant plus féminines. Mm-hmm. Je ne sais pas combien il y a de memes about les crazy bottoms avec une espèce de sous-entendu traditionnaliste là, de la femme hystérique. Là. OK, mais ça, on suit pas les mêmes pages de memes. Hein, parce que moi, toutes les pages de memes, c'est genre des trucs de radical facts qui sont comme « Tops are oppressors, fucked ups, bottom of the world, unite. » J'en suis beaucoup de ces pages-là, mais je suis aussi les contre-exemples. Parce que je veux pas vivre dans le déni, puis j'aime bien ça commenter, puis péter des coches sur les réseaux sociaux. Je suis un petit peu cette personne-là. Une coche par jour? Éloigne, je ne sais quoi pour toujours. Il y a aussi l'idée d'avoir plusieurs partenaires en même temps, genre qui est souvent soit dénoncé ou qui est comme considéré comme impossible, alors que dans ta vie monogame, tu vas en avoir plein de partenaires. Là. Tu vas probablement tomber en amour avec plus qu'une personne. Là. Avec qui tu vas vivre des affaires différentes. Oui, là, y a pas, en tout cas, il n'y a plus grand monde qui passe toute sa vie avec la même personne. C'est rendu assez rare. Dans la barre, c'est bon! L'idée d'avoir plusieurs partenaires en même temps, je veux dire, c'est juste un petit pas après assumer que de toute façon, on a plusieurs partenaires dans notre vie. Puis je vois pas c'est quoi le problème entre modifier la succession des relations puis de le remplacer par la simultanéité des relations. Oh, bitch! Me semble, en tout cas, je pense pas que c'est si révolutionnaire que ça. Là. Ça, moi, ça me crispe pas à terre. C'est-tu moi qui est trop radical? Je sais pas. Oh my God. Je sais pas. She's so rad. L'affaire que je trouve un peu hypocrite là-dedans, c'est que, tu sais, en tout cas, l'hétéropatriarcat là, accepte amplement le concept de l'adultère puis de tromper son partenaire. C'est pas vu comme c'est pas vu comme une bonne chose, mais ça existe. C'est une pratique courante. Il n'y a pas personne qui est surpris quand ça arrive. Ça arrive à un paquet de monde. Puis, mais il n'y a pas personne qui grimpe des rideaux en disant « Oh my God, ce fléau vil, vain et vicieux qui est en train de détruire nos mariages et nos familles. » Ça se passe pas, ça. Tandis que dès que tu parles de polyamour puis de configuration amoureuse un peu différente, les gens sont comme « Ah, mais là... » S'il y a des enfants là-dedans, ça d'ailleurs, hein, on en a parlé dans les épisodes. Les enfants! Hein, dans les fausses paniques puis les crises morales. Les enfants! Là. Qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils ont des enfants? Ça va tous les fucker. Ben oui, c'est sûr que d'avoir plus de role model dans une vie pour des enfants, ça ne peut qu'être négatif. Attends, plus de gens qui existent une présence dans la vie d'un enfant, hey! Terrible. Ouais, l'enfer. C'est terrible. L'enfer. Puis après ça, on va dire genre qu'on élève des enfants de seuls rois, genre dans des familles. Là, je suis comme, ben peut-être que si c'était plus de monde en même temps, ça changerait la dynamique. Mais c'est ça, mais c'est pour ça que, tu sais, comme l'adultère ou comme se tromper, tu sais, comme pas hot, là, pour vrai. Là. Genre, c'est pas nice. Non, mais non, c'est sûr, si tu fais quelque chose sans le consentement de ton partenaire, ça sera jamais nice. Briser les règles. Puis il faut aussi amener le truc de comme c'est possible de briser les règles ou de rompre la confiance aussi dans un truc polyamoureux. Ben oui. Oui, oui. Puis c'est jamais nice. Il y a plein de gens qui ont comme du gros vécu par rapport à ça. Je trouve que, tu sais, d'être capable d'aborder le polyamour, ça ouvre des perspectives sur, genre, dans le fond, tu sais, peut-être que les gens qui sont pas capables de pas tromper leur partenaire dans des trucs monogames, c'est qu'ils ont, y auraient besoin d'autres choses puis de d'autres modèles, mais qu'en fait, c'est jamais amené. Puis pas dans un truc de comme, ah, oh, les pauvres petits, tu sais. Parce que non, effectivement, comme briser la confiance, c'est pas le fun, c'est pas beau. Non. C'est compréhensible. Jasez-en. Oui, mais c'est ça, de grâce, parlez-vous-en. Mais c'est ça, mais il y a aussi un truc où on présente pas beaucoup de modèles. Puis en même temps, en tout cas, là, je c'est sûr que si tu étires ça au straight, il y a des enjeux de genre de masculinité puis de misogynie. Ah ben oui, les gars straight ont pas d'allure. Puis tu sais, comme là, on parlait des straights, mais puis on a beaucoup parlé en termes d'homosexualité, mais tu sais, comme souvent la monogamie, ben au-delà de la sexualité ou whatever, souvent la monogamie, je veux dire, c'est un petit peu impensable de penser qu'une seule personne peut combler tous tes besoins puis respecter toutes tes limites. Ben, respecter toutes tes limites, je pense que c'est assez nécessaire, mais comme... Non, mais les monogames ont des amis, là. Oui, c'est ça, là. Je veux dire, ça va, là. Je veux dire, c'est pas vrai qu'ils retirent tout de leur partenaire. Ou en tout cas, tu sais, il y en a peut-être. Good for them. Si t'as trouvé ton âme sœur, ben bravo, là. Mais en tout cas, moi, j'attends encore. Puis... J'attendais ton amour. Tu sais, il y a des ton gens. Ton beau, ton bel amour. Je l'attendais pour. Fait que tout ça pour dire qu'on peut penser aux personnes bisexuelles, aux personnes asexuelles, aux personnes pansexuelles. Des fois, la relation monogame, ça va peut-être pas les forcer, mais ça va les amener dans une configuration où ces personnes-là pourront pas vivre dans leur identité bisexuelle. Il y a beaucoup de gens bisexuels qui vont dans une relation qui est lue comme hétérosexuelle, puis qui vont se faire super invisibiliser, puis qui vont se faire dire ouais, ben là. T'es avec un gars, là, tu sais, t'es... Ceci étant dit, c'est quand même la faute des gens qui invisibilisent parce qu'ils devraient jamais se sentir mal, puis en tout cas... Mais non. Mais en même temps... C'est le fun de pouvoir vivre ta sexualité au complet. Good for them. Mais en même temps, il y en a pour qui ça peut ne pas être un besoin aussi, tu sais. Yeah. Oui, non, mais Toujours. C'est juste que toujours. Pour qui c'est un besoin, c'est une belle option. Pour qui c'est un besoin, c'est une belle option. Bien entendu, être polyamoureux ou polyamoureuse dans la société d'aujourd'hui, ça vient quand même avec des problèmes qui sont causés par la société dans laquelle on vit et qui ne sont pas inhérents au polyamour. Ah mon Dieu, essaie de trouver un appart assez grand que tout le monde habite ensemble. De un. Je veux dire, même si tu as juste une famille, là, en général, là, peu importe le type de famille, trouver un appartement en ville, c'est compliqué. Fait que, imagine, tu es dans une relation à quatre et vous décidez où ça se passe tout dans le même appartement. Puis, pour des raisons évidentes, vous avez besoin quand même de plus qu'une chambre. Ça peut devenir très compliqué. Il y a le point de vue des finances. T'sais, on parlait du mariage pour tous et toutes au début. Tous et toutes, je suis pas sûr de ça. Moi, là, les polyamoureux, polyamoureuses, les personnes qui sont en troupe. Ah oui, mais imagine si le mouvement du mariage pour tous est arrivé et avait fait « Ah oui, puis on peut tous se marier à trois, puis quatre, cinq. » La droite aurait genre révulsé sur elle-même, non, les yeux dans graisse de bine avec l'écume sur le bord de la gueule. La perversion. Et tabarnak. Et my. Puis de toute façon, même dans la communauté, des fois, c'est dur de l'expliquer. Fait que... Il y a aussi point de vue santé, tu tombes malade, tu es en relation polyamoureuse, qui a le droit de venir te voir? Oh, maman. Qui est sa liste? Oh maman. Il y a cet aspect-là. Si vous avez décidé de fonder une famille polyamoureuse et qu'il y a des enfants inclus là-dedans, essaye d'expliquer à petite madame ou au petit monsieur de la CPE que vous êtes quatre personnes susceptibles de venir chercher cet enfant-là à tous les jours. On fait croire qu'elle est mon oncle et ma tante. Ben là, Mandy, t'auras comme pas le choix de mentir parce qu'effectivement, le système est vraiment pas adapté pour ça. Puis finalement, comme je l'avais dit, ben le polyamour, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Ça demande un certain degré, soit de privilège, soit de maturité émotionnelle pour être capable de faire ça. Fait que sentez-vous pas mal là, si c'est trop compliqué ou que vous n'êtes pas rendu là, c'est correct. Mais en même temps, c'est de maturité émotionnelle, je pense que c'est d'aptitude de communication puis de volonté de le faire aussi parce que c'est du travail. Je pense qu'il faut pas non plus utiliser des termes qui vont... Parce que c'est ça aussi là, pourquoi les monogames montent... grimpe d'un rideau puis ils sont comme c'est ça, c'est parce que je suis pas assez évolué dans mon cheminement personnel que genre tu sais, puis c'est pas non! ça non plus. Non je sais bien, mais moi j'ai comme dans ma tête la monogamie pourrait juste arrêter d'exister à un moment donné, hein. Genre as une institution. Mais il y a du monde qui sont bien là-dedans. Oui, non puis je dis pas que c'est pas correct, mais comme je pense qu'à some point tout le monde devrait être capable. Moi, je pense pas que la monogamie, c'est mal. Moi, je pense que Non, c'est pas mal. J'ai pas dit que c'était mal. Non, mais pas que c'était... OK. J'ai dit que c'était une institution. Oui, je sais, mais je pense qu'il faut, il faudrait juste que ce soit plus un universel ou un acquis. Mais c'est en ça. Tant que tel, que des gens veulent être monogames... Ah, non, mais c'est correct, mais comme... I give no shit. Tu sais, c'est être capable de communiquer ses émotions, ça demande une maturité émotionnelle. Oui, mais... On n'est pas dans une société qui nous a appris à faire ça. Oui, mais il faut que tu communiques tes émotions, hein, même dans une relation monogame. Oui. Fait que tu sais, comme il n'y a pas un truc de comme... T'es plus émotionnellement... développé ou whatever là, où t'es... Non. Mais je pense que oui, c'est un truc de travail qui demande des skills, puis que pour jongler avec des trucs simultanés, ça prend des skills particuliers qui se travaillent. Ceci étant dit, je pense que pour toute relation, ça prend des skills émotionnels, puis les gens qui les ont pas, ben ça c'est clair. Puis je veux dire, apprendre à communiquer ses émotions, c'est pas une affaire de top, de bottom, de polyamoureux, de monogame, c'est l'affaire de tout le monde. Ah ouais! Très important. Alors, sur ces belles paroles, nous, une des partenaires secondaires du partenaire principal du Summer Love de 2018 de Machomé, qui fait des strap-ons vegan et justement barista dans un café gluten-free. Fait qu'on s'en va la voir, si on vous revient, over café. OK, fait que finalement, la barista était plus partenaire secondaire avec le partenaire principal du Summer Love de 2018 de Machomé, mais le nouveau barista, lui, était partenaire principal avec le partenaire secondaire du Summer Love de 2018 de Machomé. Le monde est petit. Puis le café était bon. Le café était bon. Et on est... De retour. Overcaféiné. Yay! Alors là, le couple ouvert. Charlie, moi, faut que tu me parles de couple ouvert. Va te parler de couple ouvert. Parle-moi de ça. On peut-tu dire que c'est quand même le modèle de couple préf des moons, ou en tout cas... Je pensais que c'était la date d'un soir, mais... Girl! Aussi. Mais je pense qu'il y a un truc où, entre moon, ça se pose plus la question. Oui. C'est plus un truc qui va venir sur le sujet plutôt que un truc vraiment plus minoritaire, genre... Non, le couple ouvert, c'est clairement un concept qui est intégré dans nos cultures, je pense. Fait que c'est ça, par rapport au straight, la proportion de couple ouvert est vraiment plus grande chez les moon. Oui. Puis souvent, pour les moon, c'est une question qui se pose avant d'entrer en relation, en fait. Oui, souvent. C'est discuté avant de s'engager. Moi, mes préférés, c'est les moons qui jasent sur leur profil Grindr ou sur des groupes Facebook LGBT, sur Facebook. Il n'y en a plus des hommes fidèles qui veulent des couples exclusifs. La romance est morte. Ah, oh, ces gens-là, là. Moi, je suis comme, way to lay some dick, girl. Ces gens-là, là. De l'hostie de vermine. De la vermine. Ils vivent des affaires, là. Mais de quoi on parle, là, quand on parle de couple ouvert, là? Instruis-moi, là. Mais les configurations sont pas rigides, puis ça peut vouloir dire ben des affaires. Ouais. Ça veut pas mal dire d'être exclusif amoureusement, mais ouvert aux autres sexuellement. Ouais, je pense que c'est la base. Ceci étant dit, il peut y avoir plusieurs paramètres, genre... t'en parles-tu ou t'en parles pas à ton partenaire des autres gens avec qui tu fous? Oui, c'est vrai. Moi, je connais des gens que leur règle, c'est « don't ask, don't tell ». C'est ça. Tandis qu'il y en a d'autres qui, genre, ils veulent savoir, il n'y a pas de trouble. Oui, ça, moi, je voudrais tout savoir. Ah, moi, pour faire l'impression, on essaie de te faire mieux. Yeah. Ouh! Puis aussi, tu sais, c'est pas parce que des fois, tu files pour tout savoir que tu files tout le temps pour tout savoir, puis des fois, peut-être des affaires que tu veux pas savoir jusqu'à quel point t'en parles. Tu sais, comme c'est encore là, beaucoup de communication. Tu peux-tu tout faire en toute occasion? Genre, ça, c'est une question qui se pose, ouais. C'est ça. Est-ce que tu peux chercher des occasions, genre être sur Grindr, aller au sauna et en les cruising spots, tout le kit, ou est-ce que c'est vraiment juste un truc que quand les occasions se présentent, tu peux les saisir? Parce que ça change quand même une dynamique de couple, tu sais. Mais, ouais. Ça se peut, je sais pas comment tu vois ça, mais tu sais, comme, s'il faut, mettons, que t'attendes les occasions, est-ce qu'il y a pas un risque à un moment donné qu'il y ait comme une jalousie de partenaire parce qu'il y en a un des deux qui pogne plus ou. Ça. OK, ça, c'est un truc bien intéressant avec les couples ouverts aussi, de comme la jalousie n'est pas nécessairement dirigée vers les gens qui ont accès à ton partenaire, mais tu peux avoir de la jalousie dirigée vers ton partenaire qui a accès à plus de gens. Oui, ouais. Soit parce que tu corresponds un peu plus à des standards de beauté, soit parce que tu as une plus grande facilité à naviguer dans ces situations-là. Soit à cause des positions géographiques, mettons que vous êtes à distance. Ah, parce qu'il y a aussi des gens qui fonctionnent en couple ouvert à distance, mais quand ils sont ensemble, ils sont ensemble. Quand une moune est à Gatineau et l'autre à Montréal, ben c'est des astuces de bonne chance que la personne de Montréal ait un plus grand bassin. Un plus grand bassin! Hein? Y a des gens qui couchent avec d'autres gens, mais seulement en présence de l'autre aussi. En présence de l'autre? Ouais, qui vont juste faire des threesomes. Ah, ok, qui vont juste aller dans des places ensemble, mais tu sais que si c'est pas moi, ensemble. Moi, la conne qui est comme. En présence de l'autre? Ouais, en même temps, je suis très voyeuse moi-même, fait que je suis comme, j'aurais pas de problème à être assis dans un coin et pas me croiser en regardant. Ça, mais... voyeur, c'est une hostie de bonne tune de Danny Bédard, en tout cas. Ah! Fait que. y a des gens qui vont. Hook-up avec des gens dans un party avec leur chum. Mais pas avec Danny Bédard. Mais pas avec Danny Bédard. Jamais, non, je veux dire. I'm dead. J'ai ça l'envie toujours pas que j'ai ramené Danny Bédard dans la conversation. Il y avait Gabriel Les Trois Maisons dans le clip. C'est... Oui, c'est vrai. Ben oui, il était dans un an, puis il a checké. OK, on dit vague. Oh, on dit vague, clairement. OK, non, mais c'est ça. Mais est-ce que tu peux hook-up devant ton chum dans un party, cruiser quelqu'un d'autre? Ou faire l'affaire, ou est-ce que quand vous. Ça, c'est intéressant, c'est vrai. Vous êtes ensemble, puis vous êtes ensemble. T'sais. C'est vrai. Sinon, il y a des gens qui ont des fuck friends réguliers, puis c'est juste ça qu'ils peuvent avoir. Ils peuvent pas avoir de hook-up occasionnel. Il y a des gens qui peuvent avoir des hook-up occasionnels, mais qui peuvent pas avoir de fuck friends réguliers. C'est vrai, les deux peuvent. Avoir les deux. C'est important d'en discuter. Ben, c'est ça, mais c'est beaucoup de paramètres à élaborer quand même. Ça a l'air facile, un couple ouvert, juste comme ah ouais. Non, oui, parce que en tout cas, on revient toujours à ça. Faut toujours communiquer quand même. Oh my God. C'est important. Oh my God. C'est important. N'empêche que, c'est ça, en cas d'incompatibilité, c'est quand même vraiment dur à concilier. Puis étant donné que, comme je disais, on est vraiment bon pour juste naviguer des affaires en nommant pas d'affaires pour que, dans le pire des cas, on puisse... Fait que là, tu te retrouves dans une espèce d'affaire de ça fait 3 mois qu'on est ensemble, on n'a jamais parlé de notre statut relationnel, puis là, on découvre qu'il y en a un qui veut être en couple ouvert, puis qu'il y en a une que ça y tente pas pantoute. Mm. Puis là, là, c'est là que ça peut coincer. Lots of fun. Ouais. Sinon, il faut aussi pouvoir. Je pense que c'est important, quand on est en couple ouvert, de pouvoir dealer, de prendre des breaks du couple ouvert, s'il y a besoin. Oui. Mais de le dealer d'avance, en fait, parce que je trouve que souvent. Juste pour me clarifier, prendre des breaks de la relation principale? Ou non, prendre des breaks de l'ouverture. Prendre des breaks de l'ouverture. De l'ouverture, en fait. OK, ouais. Parce que dans le fond, je trouve que c'est quelque chose qui est rarement discuté d'avance. Fait que là, quand tu l'amènes, c'est des trucs qui peuvent prendre de court. Ouais. Alors que si tu discutes déjà du OK, tu sais, si jamais il y en a un ou deux qui a besoin de prendre des breaks délimités, comme combien de temps de break on peut prendre, genre, puis que c'est une option et tout, pour pas que ce soit sujet à tension si quelqu'un en a besoin. Ouais. Puis tu sais, ça dépend aussi des fois, je pense, de à quel moment du couple la question est posée. Parce qu'il y en a des couples qui vont être monogames pendant longtemps, super heureux, ça va bien, ils ne ressentent pas vraiment le besoin d'aller ailleurs, mais ça peut changer ça. Puis il y en a des gens qui, pour pimenter leur vie sexuelle ou qui ont envie d'un peu de changement, puis qui vont se parler au lieu de se séparer dans les cris, les larmes. Ouais. Ben, y a des gens qui vont juste prendre la décision plus tard dans leur relation de dire « OK, là, c'est vrai qu'on se fait confiance, on se sent bien dans notre relation, on se sent pas menacé, let's go, là, on peut s'ouvrir, puis on a eu notre bout fusionnel, là. » Mais c'est ça aussi, il y a des gens qui commencent pas qui commencent des relations pas ouvertes, qui s'ouvrent, qui se retrouvent. Oui, c'est ça. C'est ça. Toujours une affaire de communication. Et okay. Là, on a assez parlé des autres. Là. On a assez parlé des autres. On va parler de nous autres. Parce qu'on aime ça parler de nous autres. Ben, on aime ça parler de nous autres. Toi, t'es quel genre de girl in love? Girl. OK, moi, ça m'est arrivé de me retrouver sur des dates avec du monde qui avait déjà écouté le podcast avant de me rencontrer. Oui. Puis au moment où j'apprends qu'ils ont écouté le podcast, qu'ils ont écouté Deux Fifs, je me sens tout le temps tout nu. Ah! Ben, je vais rien dire, Asti. Je veux tout vous dater. Ouais, mais là. Ouais. Moi, je vais tout vous dire d'abord. Tu veux-tu que j'explique tes relations amoureuses? Non, je vais pas toi-même. Fais-les toi-même. Pas moi-même. Sinon, c'est moi. Non, mais moi, je pense que je suis bien couple ouvert avec des limites assez larges, because I'm a hoe, mais avec des limites vraiment claires, because I'm a caring hoe. Uh-huh. Ça, c'est bien, ça. C'est ça. Pour moi, l'important, c'est qu'un potentiel partner puisse être ma priorité, puis vice-versa, mais sans qu'il se sente laissé pour compte si, ouais, à un moment donné, je suis genre vraiment bored and horny, puis que je fais ma slot. Ouais. S'il peut m'accompagner, c'est encore mieux, là. Mais c'est ça, en même temps, il faut être dans la même vibe, aimer les mêmes choses, être capable d'inclure des gens dans, oui, notre chimie. Puis je pense que c'est des choses qui se discutent aussi. Oui. C'est juste que c'est ça, ça prend des niveaux d'aisance similaires aussi. Avec toi, le polyamour? Je pense que c'est en termes de temps que, ah, je, ouais, comme, je veux être réaliste avec ce que je suis capable de faire. Tu sais, je veux dire, j'ai de la difficulté à dater quelqu'un plus que 3 mois. Là. Tu sais, je trouve, ouais, que m'embarquer dans plusieurs dates simultanées serait comme bien, là. Ça peut devenir... Bah, j'avoue que le temps, c'est tout le temps... Ouais, c'est ça. I'm a busy bitch. C'est niaiseux de même, des fois. Hein? I'm a busy bitch. Ouais. J'ai un podcast. Elle a un podcast, puis elle a aussi... j'ai un podcast. Un podcast. Non, mais j'ai un deuxième podcast aussi. Ah, oh, OK. Fait que maintenant, elle a deux... Mama! So busy. She be rolling. mais c'est ça, mais j'ai pas d'a priori contre, en fait, le polyamour. Okay. Je pense juste que c'est un truc d'être réaliste avec mes ressources en termes de temps. OK. Ah, oh, ça fait bien du sens. Fait que moi, vu que tu me poses la question... Oui, c'est ça. C'était tout le temps qu'on avait. Merci de nous avoir écoutés. Oui, en même temps, ça serait peut-être pas la pire des affaires, parce que là, moi, je suis là, en train de faire ma Louise Deschâtelet au micro, puis en train de parler de relations amoureuses, puis qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Sachez les moons, peut-être ce sera l'une d'entre vous un jour, je n'ai jamais été en couple en maintenant 31 ans d'existence sur Terre. But you could be the one. I could be the one. Alors, you étant le public. Oui, toi qui écoutes, okay, là. Toi qui écoutes, toi que, de qui on est dans les oreilles d'eux, là. I could be the one. Fait que vous pouvez, tout comme pour le polyamour, vous pouvez appliquer en ligne. Oui. Je prends je prends les soumissions jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Imagine, genre, être Virgo au point d'envoyer des Google Forms aux gens pour qu'ils puissent appliquer. Pour je sais pas si je pourrais dire been there done that. Ça me semble souvenir. De... Non, en tout cas. Girl. Non. Mais, par exemple, puis tu sais, j'en ai parlé tantôt, puis ça va peut-être résonner avec d'autres gens, mais tu sais, justement, se mettre en relation, ça prend une certaine confiance en soi, puis tu sais, des fois, ça fait juste marcher, mais dans mon cas, tu sais, moi, bon, je vous le dis à quasiment tous les épisodes, là, je suis bipolaire, je suis sobre, et j'ai passé ma vie de la fin de mon primaire jusqu'à la fin de mon secondaire à me faire fat-shamer comme jamais. Je me faisais bully à tous les jours, c'était pas toutes les heures. C'était l'hostie d'enfer. Fait que c'est sûr que la relation avec mon corps m'aide vraiment pas, genre. Puis tu sais, comme, tu sais, en ce moment, là, je le disais au début de l'épisode, là, ma Vénus en cancer est rétrograde. Là, je suis tellement dans mes feelings. Je suis full in love cet été, j'arrête plus, genre. OK, attends, pause. Oh. Est-ce que quand t'es né, Vénus était en cancer en rétrograde? Quand je suis né? Mais est-ce que c'est ton placement qui est cancer en rétrograde? Parce que tu peux avoir un placement en rétrograde. Oh, plein. Non. OK. C'est juste que là, as far as I know, mon placement est en rétrograde. OK, c'est juste que là, ton Vénus est en cancer, puis là, Vénus en cancer. En ce moment, il est rétrograde. OK, non, mais j'avais peur. Un placement en rétrograde, c'est comme ça va pas bien. Je pense pas. En tout cas, j'ai vérifié ma charte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, quand on enregistre, on est rétrograde. Yes. Puis là, tu sais, je suis super in love. Si j'arrête plus, puis. Got me looking so crazy. Got me looking crazy. Je sais pas si on va se faire punir pour droit d'auteur parce que t'as chanté des tunes. Ben, en plus, Beyoncé, ils reconnaîtront jamais. Beyoncé a check en tabarnak. Ils reconnaîtront jamais. Shutdown. Comment ça, ils reconnaîtront jamais? T'es-tu en train de dire que j'ai pas deliver une performance Beyoncé worthy? Je l'ai pas dit, là. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, justement, moi, je suis en amour. Puis, ça trigger tellement d'insécurité, tomber en amour. Justement, la peur du rejet. Nan. Puis, en plus, en tout cas, être sobre puis trouver d'autres mondes sobres, c'est un défi. Ou trouver d'autres mondes sobres avec qui on s'entend bien. Parce qu'en plus, il y a tellement de façons d'être sobre que des fois. L'ouverture de la sobriété est difficile à discuter. Fait que tu sais, comme c'est ça, moi, I'm the silent girl in love. Moi, j'ai tendance à vivre ça tout seul puis à pas en parler. Puis en plus, je suis Virgo. Puis genre, si vous le savez pas tout de suite, là, les gens, là, s'il y a une Virgo qui vous est tombée dans l'œil, il faut que vous fassiez le move vous-même parce que les Virgos, ils vont pas vers le monde. Ils s'en vont chez eux puis ils sont très satisfaits tout seuls. On aime le fantasme quasiment autant que la réalité. Fait que ça va. Fait que j'ai comme 12 chums dans ma tête en ce moment. Oh. Eh ouais. Ouais, polyamoureux par fantasme. C'est ça. C'est ça mon placement dans les configurations amoureuses. Ouais, mais ça doit être le fun en termes de pochkan dans cabane. Là. Ben, c'est sûr que tout le monde agit, tu sais, c'est dans ma tête. Après, tout le monde est comme agit dans mon intérêt. Pis... Oh mon dieu. Ah, c'est facile. Là. Tu vois pourquoi j'ai de la misère à négocier mes feelings? Parce que je négocie avec du monde qui sont tous d'accord avec moi dans ma tête. Listen, fun times. Such a Virgo moment. Fun times. Bon, là, on va aller chercher un dernier café avant la conclusion. Ah ouais. Parce que là, ciao, Paul, la gang. Puis on espère bien qu'on va se matcher avec quelqu'un sur la route. On espère revenir plus vite. Donc, on n'est pas revenu de ce café-là avec un partner, mais on est revenu en se remémorant ce grand classique, cette ode au célibat, toute seule, de Laurie. Moi, je préfère rester toute seule, toute seule. Ouais, mais pendant que t'entendais les cafés, arrête. Quoi qu'ils me veulent, moi, je préfère sauvez-moi. Rester toute seule, toute seule, toute seule. Je savais pas qu'on pouvait faire du karaoké sans consentement. Non, mais moi, pendant que t'attendais les cafés, j'ai failli tomber amoureux avec la personne que j'ai sucée dans les toilettes. Girl, ouais. Mama. Ouais. Fait que là, fait passer la 13e personne dans ma tête. Oh! Et ça, le cercle s'élargit. C'était tout pour notre émission cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez... non, toi, tu peux. Toi, tu peux. Ah oui, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui ont de l'allure. Cette fin d'épisode est tellement chaotique. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui ont de l'allure en tapant 2 fifs le matin, le chiffre 2 fifs avec un X à la place du I parce qu'on veut pas se faire chatant par la police des mœurs. Puis le matin, tout en un mot! Oubliez pas qu'on a un deuxième podcast going on, Crash ton thé. Crash ton thé. Ou qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant encore que Canada's Drag Race, nos opinions sur exactement. Canada's Drag Race. Exactement. Mettez-nous 5 étoiles partout où vous pouvez. Sharez-nous, donnez-nous des cœurs Spotify. Écrivez sur Yelp comment on a de la lueur, qu'on est fine, puis c'est ça. Et d'ici à la semaine prochaine, moi et Charlie, on fait une séance d'autographe au G.I. Joe la semaine prochaine. Donc, c'est un rendez-vous. Et d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. Bye les moons! Ciao, Paolo!